Alessandro Barrico. Extrait choisi par Catel Guillou. Réalisation Cédric Ossir. Dévasté par la mort de Patrocle, Achille a décidé d'abandonner sa colère et de ravaler sa rancœur envers Agamemnon pour reprendre les armes, afin de venger son amant et en finir une fois pour toutes avec cette guerre qui n'a que trop duré. 9e épisode. Le fleuve Andromaque. J'avais vu des années de guerre, parce qu'un fleuve ne court pas aveugle au milieu des hommes. Et pendant des années, j'avais entendu des gémissements, parce qu'un fleuve ne court pas sourd là où les hommes meurent. Toujours impassible, j'avais emporté jusqu'à la mer les éclats de cette féroce guerre de clans. Mais ce jour-là, il y eut trop de sang et de férocité et de haine. Le jour de la gloire d'Achille, je me rebellai, dégoûté. Si les fables ne vous font pas peur, écoutez celle-ci. C'était l'aube. Et devant le mur des Achéens, les deux armées immenses se rangèrent l'une en face de l'autre. Je vis flamboyer les armes de bronze par milliers dans les premières lueurs du soleil. Il y avait Achille devant les siens, avec ses nouvelles armes, impressionnantes, divines. Et au premier rang devant les Troyens, Énée, le fils d'Anchise. Il s'avança, menaçant, secouant son casque puissant et agitant sa lance de bronze. Achille n'attendait que cela. D'un bond, il sortit des rangs de ses guerriers et se plaça devant Énée. Il écumait de colère comme un lion blessé, et comme un lion blessé avait faim de vengeance et de sang. Il serra sa lance dans son poing et la lança. La pointe de bronze résonna contre l'énorme, le splendide bouclier d'Achille. Il avait été fabriqué avec un art infini. Deux couches de bronze à l'extérieur, deux couches d'étain à l'intérieur, et au milieu une couche d'or. La lance d'Énée passa le bronze, mais dans l'or s'arrêta. Achille alors leva la sienne. Énée tendit en avant le bras qui tenait son bouclier. La pointe de bronze vola dans l'air, rapide, fendit le bouclier, passa d'un souffle au-dessus de la tête d'Énée et alla se ficher en terre derrière lui. Énée resta pétrifié de peur. Le coup l'avait manqué de peu. Achille tira son épée. Criant d'une manière horrible, il se jeta en avant. Énée se sentit perdu. Il prit dans ses mains une grosse pierre qui se trouvait là. Il la souleva pour se défendre. Et je vis Achille tout à coup, comme aveuglé, perdre son élan, comme si quelque chose se passait dans sa tête, au point qu'il s'arrêta, l'air égaré, roulant les yeux autour de lui, comme pour chercher quelque chose qu'il aurait perdu. Énée ne se le fit pas dire deux fois. Faisant volte-face, il se mit à courir et disparut bientôt entre les rangs des Troyens. Si bien qu'Achille, quand il reprit ses esprits, regarda autour de lui et ne le vit plus. « C'est de la magie, ça, » murmura Achille. « Énée doit être cher à un dieu pour pouvoir disparaître de cette façon. Mais qu'il aille au diable, ce n'est pas de lui que je dois m'occuper. Il est temps que je livre bataille. » Ainsi dit-il, et il se rua sur les Troyens. En premier, il tua Iphition. Il le frappa à la tête. La tête s'ouvrit en deux. Avec fracas tomba le héros, et sur lui passèrent les roues des chars achéens. Puis il tua Démoléon. Il le frappa à la tempe. Le casque de bronze ne résista pas, et la pointe de la lance réduisit sa cervelle en bouillie. Puis il tua Hippodamas, comme celui-ci tentait de fuir, terrorisé. Frappé au milieu du dos, il tomba à terre en râlant comme un animal. Puis, il tua Polydore, le plus jeune des fils de Priam et le plus aimé. Achille le frappa au milieu du dos. La lance traversa son corps et ressortit par le nombril. Le héros tomba à genoux dans un cri, et un nuage l'enveloppa, obscur. Quand Hector vit son jeune frère à genoux, tenant ses entrailles dans ses mains, il fut saisi de colère et oublia toute prudence. Il savait qu'il ne devait pas sortir à découvert et qu'il devait attendre Achille au milieu de la foule, où il était bien protégé par ses compagnons. Mais il vit son frère mourir de cette façon, et sans plus réfléchir, il se jeta en avant sur Achille en criant. Achille le vit, et dans ses yeux brilla une lueur de triomphe. « Viens, Hector, viens plus près !» se mit-il à hurler. « Approche-toi de ta mort !»« Tu ne me fais pas peur, Achille !» répondit Hector. « Je sais que tu es plus fort que moi, mais ma lance est capable de tuer, comme la tienne. Et c'est le destin qui décidera lequel de nous deux mourra. » Puis il lança son arme, mais la pointe de bronze alla se planter dans le sol, non loin de lui. Achille pensa qu'il l'avait à sa merci. Avec un hurlement terrible, il se jeta en avant, brandissant sa lance. Mais une nouvelle fois, son regard s'obscurcit et quelque chose dans son esprit se perdit. Quand il revint à lui, Hector n'était plus là, disparu au milieu des Troyens. Furieux, Achille se lança sur tout ce qui était autour de lui. Il était comme le feu qui enflamme l'immense forêt, poussé par un vent impétueux. Le sang coulait sur la terre noire. Et il ne s'arrêtait plus, avide de gloire, les mains souillées de boue sanglante et de mort. Terrorisés, les Troyens fuyaient à travers les champs. Et quand ils me virent au milieu de la plaine, comme des animaux qui fuient un incendie, ils se jetèrent dans mes eaux pour y chercher le salut. Achille arriva jusqu'à mes rives, posa sa lance par terre et, dégainant son épée, se jeta à son tour dans l'eau. Il se mit à tuer tout ce qui était à sa portée. Je n'entendais partout que plaintes et souffrances, tandis que mes os se coloraient de sang. Je vis Achille prendre l'un après l'autre 12 jeunes gens parmi les Troyens, et au lieu de les tuer, les emmener jusqu'à la rive l'un après l'autre et les faire prisonniers pour les sacrifier devant le cadavre de Patrocle. Il les fit sortir de l'eau comme des faons effarés, l'un après l'autre, pour qu'ils soient tués près des noirs navires. Puis il se retourna pour se jeter dans la foule et continuer le massacre. Il était encore sur la rive quand il vit devant lui Lycaon. C'était un enfant et son père Priam venait de payer pour sa libération. Il était revenu depuis peu dans la bataille. Et il était là maintenant, sans armes. Il avait tout jeté pour pouvoir traverser le fleuve. Et il était là, nu et terrorisé. « Aie pitié !» dit Lycaon en pleurant. « Tu as déjà tué mon frère Polydore. Épargne-moi. De tous les fils de Priam, c'est Hector que tu veux. » Mais Achille le regarda férocement. « Misérable, c'est à moi que tu parles de pitié. Avant que vous ne tuiez Patrocle, j'en avais alors de la pitié, et j'ai épargné beaucoup de Troyens. Mais maintenant, plus personne ne sortira vivant de mes mains. Cesse de pleurer. Patrocle est bien mort, qui valait beaucoup plus que toi. Pourquoi ne devrais-tu pas mourir toi aussi? Regarde-moi. « Je suis fort et beau, et je mourrai pourtant. Il y aura une aube, ou un soir, ou un midi qui me verront mourir. Et toi, tu pleures pour ta mort ?» Lycaon baissa la tête. Il tendit les mains en avant dans une dernière supplique. Achille enfonça son épée jusqu'à la garde dans son corps, du haut jusqu'en bas, en pénétrant par la clavicule. Lycaon s'écroula. Achille le prit par un pied et le jeta dans mes eaux. Alors je me mis à crier. « Loin de moi, Achille! Va-t'en loin de moi si tu veux continuer à tuer! Cesse de déverser des cadavres dans mes belles eaux! Je n'aurai pas la force de tous les emmener à la mer! Tu me fais horreur, Achille. Arrête-toi ou va-t'en. » Et Achille me répondit : « Je m'en irai quand je les aurai tous tués, ô fleuve. » Alors je fis se lever une très haute vague, effroyable, qui se dressa en l'air, puis se courba sur son bouclier et se renversa sur lui. Je le vis qui cherchait quelque chose à quoi s'agripper. Il y avait un orme sur la rive, grand et vigoureux. Il s'accrocha à ses branches, mais la vague emporta l'arbre aussi, avec toutes ses racines. Elle le précipita dans l'eau en l'entraînant avec elle. Achille se releva alors dans un effort surhumain. Il réussit à échapper au tourbillon et à regagner la rive, et il essaya de s'enfuir à travers la plaine. Et je le poursuivis là aussi, par-delà tous les obstacles, je le poursuivis de mes eaux, inondant les champs. Il fuyait, et la grande vague que j'étais devenue le suivait de près. Et quand il s'arrêtait et se retournait, je me renversais sur lui, et à nouveau il trouvait la terre sous ses pieds et recommençait à courir, jusqu'au moment où je l'entendis crier, le divin Achille, crier « Mère, mère, personne ne viendra donc me sauver. Alors pourquoi m'as-tu dit que je mourrais sous les murs de Troie ? Si c'était Hector au moins qui m'avait tué, lui qui de tous est le plus fort. Je suis un héros doit me tuer. Mais le destin veut que je meure de cette mort misérable, emporté par le fleuve, comme n'importe quel malheureux gardien de port. » Il courait dans l'eau avec les cadavres et les armes qui flottaient et tournoyaient autour de lui. Il courait avec une force divine, mais je savais qu'elle ne le sauverait pas, sa force, ni sa beauté, ni ses armes splendides, qu'il finirait au fond d'un marécage couvert de boue, et que je verserais sur lui le sable et les graviers, et que je serais pour toujours sa tombe impénétrable. Je m'élevai dans les airs en une ultime et énorme vague, afin qu'elle l'emporte bouillonnante d'écume, de cadavres et de sang. Puis, je vis le feu. Dans la plaine inexplicable, magique, le feu. Un mur de feu qui venait vers moi brûlait les ormes, les saules, les tamaris, brûlait les lotus et les joncs et le souchet, brûlait les cadavres et les armes et les hommes. Je m'arrêtai. Le feu arriva sur moi. Ce que personne n'avait jamais vu, tous ce jour-là le virent, un fleuve en feu. L'eau qui bouillait, les poissons qui sautaient çà et là, terrorisés, au milieu des tourbillons incandescents. Ainsi verrai-je fuir les Troyens, bien des nuits plus tard, dans l'incendie de leur ville. De mon lit, revenu vaincu à mes courants coutumiers, je vis Achille poursuivre les Troyens jusqu'au mur d'Ilion. Du haut d'une tour, Priam observait la défaite. Il fit ouvrir les portes pour que toute son armée trouve refuge dans la ville, et il ordonna de les refermer aussitôt le dernier guerrier passé. Mais le dernier guerrier était le plus fort, et son fils aîné, et le héros qui par cette porte ne passerait plus jamais. Ils se réfugiaient dans la ville comme des faons épouvantés. Priam avait fait ouvrir en grand les portes C, et ils entraient en courant, et en courant montaient sur les remparts, encore tout couverts de sueur, brûlés par la soif, et ils s'écrasaient contre les parapets pour regarder là, en bas, dans la plaine. Par milliers, ils trouvèrent le salut dans le ventre de la ville. Un seul resta hors des portes, cloué là par son destin. Et c'était l'homme que j'aimais, et le père de mon fils. De loin, Achille arriva en courant, devant ses guerriers, rapide comme un cheval vainqueur, resplendissant comme une étoile, éblouissant comme un présage de mort. Priam le reconnut, du haut de la tour, et il comprit. Il ne put se retenir et se mit à pleurer, le vieux, le grand roi, devant tous, frappant sa tête de ses mains et murmurant « Hector, mon fils, va-t'en de là. Achille est trop fort pour toi. Ne l'affronte pas seul. Tu le vois bien, il tue mes fils l'un après l'autre, cet homme-là. Ne te fais pas tuer, toi aussi. Sauve ta vie. Et avec ta vie, sauve les Troyens. Je ne veux pas mourir percé par une lance le jour où notre ville sera prise. Je ne veux pas voir mes fils tués, mes filles prises comme esclaves, les lits nuptiaux dévastés, les enfants jetés dans la poussière au milieu du massacre. Je ne veux pas finir dans la poussière et être déchiqueté par les chiens que je nourrissais jusqu'à présent des restes de ma table. Toi, Hector, tu es jeune. Les jeunes sont beaux dans la mort. N'importe quelle mort, tu ne dois pas avoir honte de mourir, mais moi, pense à un vieillard et à ces chiens qui se penchent sur lui et lui dévorent le crâne et lui arrachent le sexe et boivent son sang. Pense aux cheveux blancs, à la peau blanche. Pense aux chiens qui, ensuite rassasiés, vont aller se coucher sous mes portiques. Je suis trop vieux, Hector, pour mourir ainsi. Fais que je meure en paix, mon fils. Il pleurait, le grand roi, et pleurait aussi Hécube, reine et mère. Elle avait ouvert ses vêtements sur le devant, et le sein découvert suppliait son fils de se rappeler le temps où il y courait à ce sein, pour se consoler de ses chagrins d'enfant. Elle voulait qu'il coure à nouveau vers elle, comme autrefois, au lieu de se faire tuer là, sous les remparts, par un homme cruel qui n'aurait pas pitié de lui. Mais Hector ne l'écoutait pas. Il restait immobile, appuyé contre le rempart à attendre Achille, comme un serpent gonflé de venin attend l'homme devant son repaire. Dans son cœur, il pleurait tous les héros morts en cette journée de guerre, et il savait que c'était lui qui les avait tués, quand il avait refusé de retirer son armée au moment du retour d'Achille. Il les avait trahis, et tout ce qu'il pouvait faire maintenant, c'était reconquérir l'amour de son peuple en défiant cet homme. Peut-être un instant pensa-t-il déposer les armes et mettre fin à cette guerre en rendant Hélène et toutes ses richesses et d'autres encore. Mais il savait que rien, désormais, n'arrêterait Achille, sinon la vengeance. Il le vit arriver en courant, resplendissant dans ses armes, comme un soleil qui se lève. Il le vit s'arrêter, face à lui, la lance levée au-dessus de son épaule droite, terrible comme jamais un homme ne saurait apparaître, mais seulement un dieu, le dieu de la guerre. Et la terreur s'empara de son cœur. Il prit la fuite, Hector, en courant le long des remparts le plus vite qu'il pouvait. Comme un faucon, Achille se lança derrière lui, furieux. Par trois fois, ils firent le tour de la ville, comme des chevaux lancés dans une course. Mais cette fois-là, dans l'arène, il n'y avait pas d'or, pas d'esclaves, pas de richesses. Le prix était la vie d'Hector. Et chaque fois qu'il repassait devant les portes C, Achille revenait sur Hector et lui coupait la route, le poussant vers la plaine pour l'empêcher de fuir à l'intérieur de la ville. Et il recommençait alors à courir. C'était comme dans les rêves, quand on poursuit quelqu'un sans pouvoir l'atteindre, mais qu'il ne peut pas vraiment s'échapper non plus, et ça peut durer toute la nuit. Cela dura jusqu'au moment où, par les portes C, sortit Déiphobos, qui courut à toute vitesse près d'Hector en lui disant « Mon frère, de cette manière Achille va t'épuiser, arrête-toi, et nous l'affronterons ensemble. » Hector le regarda et son cœur s'ouvrit. « Déiphobos, frère bien-aimé, toi seul m'as vu et a eu le courage de sortir des remparts pour venir à mon secours. » Et ainsi prit fin ce rêve étrange. Hector cessa de fuir. Achille s'arrêta. Lentement, ils allèrent l'un à la rencontre de l'autre. Le premier à parler fut Hector. « Je ne fuirai plus devant toi, Achille. Maintenant, j'ai retrouvé le courage de te faire face. Toi, cependant, jure-moi que si tu es victorieux, tu prendras mes armes, mais pas mon corps. Je ferai de même avec toi. » Achille le regarda avec haine. « Hector, maudit, je ne ferai pas de pacte avec toi. Ils ne font pas de pacte, les hommes et les lions, les loups et les agneaux. Leur discorde est à jamais. Pense plutôt à combattre. Le moment est venu de montrer si tu es vraiment le grand guerrier que tu crois. » Puis il leva sa lance en l'agitant dans l'air et la projeta avec une force terrible. Hector la vit arriver. Il se pencha rapidement de côté. La pointe de bronze vola par-delà ses épaules et alla se planter dans la terre. Alors, ce n'était donc pas vrai que les dieux avaient déjà tout décidé et que le nom du vainqueur était déjà écrit. Hector serra sa lance dans son poing, la leva au-dessus de sa tête et la lança. La pointe de bronze se planta en plein milieu du bouclier d'Achille, mais c'était un bouclier divin, rien n'aurait pu le détruire. La pointe de bronze se ficha exactement au milieu, mais elle s'y arrêta. Hector la regarda, l'air égaré, et se retourna pour demander à Déiphobos une autre lance avec laquelle continuer à combattre. Il se retourna, mais Déiphobos n'était plus là. Il s'était sauvé à l'intérieur de la ville. La peur à la fin avait eu raison de lui. Alors, Hector comprit que son destin l'avait finalement rejoint. Et parce qu'il était un héros, il tira son épée pour mourir en combattant, pour mourir d'une manière que les hommes à venir raconteraient à jamais. Il prit son élan, comme un aigle avide de fondre sur sa proie. En face de lui, Achille se ramassa dans la splendeur de ses armes. Ils bondirent l'un sur l'autre, comme des lions. La pointe de bronze de la lance d'Achille avançait, comme avance en brillant l'étoile du soir dans le ciel nocturne. Elle cherchait un endroit à découvert dans les armes d'Hector, les armes qui avaient été celles d'Achille un jour, puis celles de Patrocle. Elle cherchait dans le bronze la fente pour arriver à la chair et à la vie. Elle la trouva à l'endroit où le cou prenait appui sur l'épaule. Le tendre cou de mon bien-aimé. Elle pénétra dans sa gorge et la transperça de part en part. Il tomba dans la poussière, Hector. Il regarda Achille et dans un dernier souffle de vie lui dit « Je t'en supplie, ne m'abandonne pas aux chiens. Rends mon corps à mon père. » Mais le cœur d'Achille était dur au-delà de toute espérance. « Ne me supplie pas, Hector. Trop grand est le mal que tu m'as fait. C'est déjà beaucoup si je ne te taille pas en pièces moi-même. Patrocle, lui, en revanche, aura tous les honneurs funèbres qu'il mérite. Toi, tu mérites que les chiens et les oiseaux te dévorent, loin de ton lit, et des larmes de ceux qui t'ont aimé. » Hector ferma les yeux, et la mort l'enveloppa. Elle s'envola, son âme, vers l'Hadès, pleurant sur son destin, et sa force et sa jeunesse perdues. Achille retira sa lance du corps d'Hector, puis il se pencha pour lui défaire ses armes. Tous les Achéens accoururent pour regarder de plus près. Pour la première fois, ils voyaient ce corps nu, sans armes. Ils admiraient sa beauté, et pourtant pas un seul ne résista à la tentation de le frapper, de son épée, de sa lance. Il riait. C'est sûr qu'il est beaucoup plus doux à palper maintenant, Hector, que quand il mettait le feu à nos navires. Il riait et le frappait, jusqu'au moment où Achille les fit cesser. Il se pencha sur Hector et avec son couteau lui perfora les deux chevilles, juste sous la malléole. Par le trou, il fit passer des sangles de cuir qu'il attacha solidement à son char. Il fit en sorte que le corps reste soulevé, la tête dans la poussière. Puis il prit les armes d'Hector, son trophée, et monta sur son char. Il fouetta les chevaux et les chevaux prirent leur envol. tiré sur la terre, le corps d'Hector levait un nuage de poussière et de sang. Il était si beau, ton visage, et à présent il traîne dans la terre, avec ses beaux cheveux bruns qui, arrachés, volent dans la poussière. Nous étions nés loin l'un de l'autre, tous les deux. Toi à Ilion et moi à Thèbes. Mais un même destin nous attendait. Et ce fut un destin malheureux. Maintenant, tu me laisses veuve en ta maison, plongée dans la plus terrible douleur. Le fils que nous avons eu ensemble est si petit encore. Tu ne pourras plus l'aider, et lui, il ne pourra pas t'aider. Si jamais il survit à cette guerre, à jamais le chagrin et la douleur seront à ses côtés, car il perd ses amis, celui qui est sans père, et il a du mal à défendre ses biens. Les yeux baissés, le visage sillonné de larmes, il ira tirer les autres pères par le manteau pour en recevoir protection. Et quelqu'un aura peut-être un regard de pitié pour lui, mais ce sera comme de mouiller les lèvres d'un homme assoiffé. Et pourtant les Troyens l'appelaient le seigneur de la ville, cet enfant, parce que c'était ton fils, et que tu étais celui qui à lui seul cette ville la défendait. Hector, le destin t'a fait mourir loin de moi, et ce sera à jamais ma plus grande douleur, parce que je n'ai pas eu pour moi tes dernières paroles. Je les aurais gardées précieusement et je m'en serais souvenu toute ma vie, chaque jour et chaque nuit de ma vie. Sous les noirs navires à présent, tu es la proie des vers et ton corps nu que j'ai tant aimé sert de pâture aux chiens. De belles et somptueuses tuniques tissées de mains de femmes t'attendaient ici. J'irai au palais. Je les prendrai et les jetterai dans le feu. Si c'est le seul bûcher que je peux dresser en ton honneur, je le ferai. Pour ta gloire, devant tous les hommes et les femmes de Troie. Homère, Iliade, d'Alessandro Barrico. Extrait choisi par Catel Guillou. Homère, Iliade, traduit par Françoise Brun et paru aux éditions Albin Michel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Avec Mathurin Voltz, Maud Le Grévélec et Nora Krief. Musique originale, Lucas Lelièvre. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel, Antoine Viossa. Assistante à la réalisation, Claire Chéneau. Réalisation, Cédric Ossire.